Et on retrouve Julie Collin qui avant, elle aussi, de se plonger dans un radiothon, était du côté du Marine Center jeudi soir pour une soirée bouquins et vins. C'était dans le cadre du festival Imagination ou Imagination, vous pouvez le dire dans les deux langues, c'est ça qui est bon. Mais vous comprendrez mon clin d'œil à l'anglais quand on vous parlera de ce festival d'écrivains. Bonjour Julie. Oui, bonjour Jessica. En fait, tu dis Imagination, mais le N est en majuscule justement pour faire un espèce de jeu de mots justement avec nation, si on veut, en anglais. Donc, d'accord. Pour avoir demandé, c'est vrai, au Maureen Center, il disait, bon, chacun se l'approprie comme il veut aussi. Donc, c'est ça tout l'intérêt. C'est aussi l'idée qu'on va mettre beaucoup d'auteurs anglophones de l'avant, parfois avec dans des rencontres avec des auteurs francophones. C'était le cas de la soirée d'ouverture le 3 avril dernier. On avait invité Véronique Côté et ses traducteurs, ceux qui l'ont traduit en anglais pour une causerie à la Maison de la Littérature. Mais là, pour cette soirée bouquins et vins, c'était vraiment une soirée tout en anglais, Julien. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, je pense que la plupart des activités, c'est pas la totalité des activités, se passent en anglais à ce moment-là. Tout sauf la soirée d'ouverture pour cette édition-là, ah, en okay. tout cas. OK, ouais. Parfait. Mm-hmm. Mais en fait, nous, oui, c'est ça, c'est une soirée qui se passe en anglais, mais d'abord pour dire un peu c'est quoi le concept, c'est que c'était un sommelier qui présentait quatre livres de quatre auteurs qui étaient reconnus ce soir-là, qui étaient mis en valeur, et il faisait un accord avec du vin ou de la bière, parce qu'on a, dans le fond, c'était comme bouquin et vin, mais il y a quand même eu un accord de bière, il était un peu délinquant là-dessus. C'est un sommelier en plus, tu sais, c'est que c'est lui dans le fond, en tout cas. C'est drôle, mais c'est à la mode, hein, on peut aimer le vin ben, et la bière oui, aussi. Oui, tout à fait, mais c'est ça, mais ça faisait quand même drôle, là, dans le sens que on s'attendait à ce qu'il soit un peu plus puriste que ça, peut-être, là, puis qu'il aille vraiment dans le vin. C'est que ça, il y a un petit clin d'œil vers la bière, puis il y avait un accord avec des bouchers. Donc, on se faisait ça, présenter les livres. Moi, c'est des livres que c'est ça, j'avais jamais lu ces livres-là. Dans le fond, je les connais pas, mais on se les faisait présenter un peu, résumé, et dans le fond, le sommelier expliquait l'accord qu'il faisait entre les deux, finalement. Pour donner le nom d'ailleurs du sommelier, c'était Yann Barrette-Bouchard qui travaille au Saint-Amour, qui a proposé cette sélection d'ailleurs. Oui, c'est ça, il faisait ça pour la quatrième année. Moi, j'étais allée le voir à la fin de la soirée, puis je lui ai demandé, je dis, est-ce que t'es un grand lecteur, toi? Tu sais, il dit, non, pas vraiment. Tu sais, il était comme, non, pas tant que ça, je lis pas vraiment. Tu sais, puis j'étais comme, OK, oui. Il s'est prêté à l'exercice, oui, alors. Pour la quatrième fois, puis il me disait qu'il aimait vraiment ça, qu'il trouvait ça intéressant. Donc, c'est des livres, ce qu'on se faisait présenter. C'est sûr que quand tu les as pas lus, tu comprends un peu moins les liens. T'sais, dans le sens qu'on a beau nous les dire, mais c'est un peu moins concret. T'sais, des fois, c'est intéressant quand même, tu dis, ah, OK, il a pensé à la notion de terroir ou des choses comme ça. Tu dis, ah, OK, au moins, c'est intéressant. Mais peut-être donner un exemple de lien qui a été fait, justement, Julie? Oui, bien ça, dans le fond, il y en avait un livre, entre autres, je vais juste vous le dire pour être certaine de mon affaire. Je vous le dis, c'est pas des livres que j'ai lus, c'est que c'est moins facile. Retrouver les titres. Oui, c'est ça. Lost in September, qui a été, dans le fond, qui a été mixé justement avec la bière, parce que à ce moment-là, dans le contexte, du vin n'aurait pas pu bien se conserver et de la bière, ça aurait été possible. Donc, c'était là le clin d'œil, finalement, avec la bière. Par rapport à l'histoire, donc. C'est ça, puis la tartelette. Ouais. De légumes de saison. En fait, c'était beaucoup des betteraves. Des betteraves, c'est quelque chose qui se conserve très bien. C'est un légume qu'on peut consommer l'hiver sans problème, là, qui se conserve. Puis ça, c'est que dans un contexte comme celui-là, dans le fond, ça s'apprêtait bien. C'est que c'est un peu comme ça. Mais comme je dis, c'est ça, il n'y avait même pas de... J'aurais aimé ça, avoir des extraits, je pense. Des lectures. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, moi, quand on me lit des bouts comme ça. Puis après ça, quand que je lis le livre, c'est comme si j'entendais cette voix-là. Puis j'aime ça. En tout cas, j'aime ça pour faire la lecture. Puis ça, ce petit bout-là m'a manqué. Mais c'était vraiment intéressant de voir ça. Puis les auteurs qui ont été reconnus ce soir-là, dans le fond, qui sont fait présenter leur livre de cette façon-là, parce que les autres, ils ne savaient pas, là, c'était quoi l'accord, là. Les autres, ils savaient. Ils le découvraient en même temps que vous. Ben oui, tout à fait. Fait que les autres, ils ne savaient pas. Ça, c'était intéressant quand même. Pour eux, tu sais, c'est valorisant, c'est flatteur d'être compris aussi. Tu te dis, OK, t'as vraiment bien compris mon univers, puis ça, c'est intéressant. Ou de l'interpréter d'une autre façon auquel il n'aurait pas pensé. Ça aurait pu. Ouais, ça les a tout le temps surpris, dans le sens qu'ils se disaient pas, ah oui, avec ce vin-là, c'est évident, tu sais. Mm-hmm. Mais n'empêche qu'ils se sentaient compris. C'est ça, je pense que c'est intéressant aussi pour des auteurs de se sentir compris. Moi, ça m'a quand même donné l'idée d'essayer de faire ça. des accords comme ça. Ah oui, maintenant que tu te mets en plus à couvrir de plus en plus d'événements culinaires, tu vas avoir pas mal d'inspiration, Julie. Ben, peut-être. En tout cas, je verrai ça après le Salon du Livre. D'accord, oui. Ben, déjà, avoir les lectures et ensuite faire les accords. Oui. Juste préciser, les bouchées dont tu parlais d'une tartelette aux légumes, ça a été servi par chez Muffy, qui est, je vous le rappelle, le restaurant concept de l'Auberge Saint-Antoine. Je dis nouveau parce qu'il a changé de nom. Avant, ça s'appelait Panache, puis comme on a changé de propriétaire, on a changé aussi l'identité visuelle de ce restaurant. Les auteurs présents, peut-être les mentionner, Julie? Oui, il y avait Sylvain Neuvel, entre autres, qui est un auteur qui a grandi à l'ancienne Lorette, puis qui est à peu près pas connu au Québec, mais qui est beaucoup connu ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Il est beaucoup connu en anglais. Et lui, en fait, l'accord, il se passait avec son livre qui s'appelle Sleeping Giants. Et en fait, c'est le tome précédent, finalement, d'un livre qui va sortir prochainement. J'essaie de comprendre un peu qu'est-ce que c'est. C'est que c'est un livre qui, dans le fond, il est sorti il n'y a pas longtemps. Et là, le nouveau tome va sortir en mai. Et pour la première fois, l'auteur a vu ce tome-là. En plus. C'est un spécial. Ouais, c'est ça, c'est un spécial qui est arrivé, c'est que moi ça m'a un peu mélangé sur le coup parce que là je me disais ben là c'est quel livre puis ça, mais c'était la personne, le sommelier, il n'avait pas lu le livre qui n'était pas encore paru là, il a vraiment lu l'ancien, le précédent. D'accord. Donc c'est ça, c'est que oui, lui, moi c'est quelqu'un que j'avais entendu parler à l'automne. Je l'ai jamais lu encore, mais j'avais pensé aller le rencontrer à Montréal, finalement ça n'avait pas fonctionné quand j'étais allée au Salon du Livre de Montréal, mais c'est ça, c'est un auteur qui vraiment. Je suis impressionnée de voir un auteur qui est vraiment ce rayonnement-là, mais qu'on connaît à peu près pas, puis c'est un petit gars de chez nous, là. Incroyable, effectivement. Et on est dans le genre de la science-fiction, en tout plus. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Et qu'à part ça, il y avait... Elisabeth Hay. Oui, je m'excuse, c'est parce que je vois même pas les noms. Oui, je te les redonne. Merci, si ça dit quelque super chose. Gentil, les joies du direct. Oui, c'est ça, il y avait Elisabeth Hay. Je m'excuse, c'est quoi le... Tu vois-tu le livre? Je vois pas le livre, par contre, non, je vois juste l'auteur. Moi, c'est ça, j'ai juste comme le livre, mais j'ai pas l'auteur. D'accord. En tout cas, ça va bien, mon affaire. Désolée. les jouets... Ben, cite-nous les livres dans ces cas-là, oui, je vais faire le lien. Lost in September, qui a été, c'est ça, dans le fond, que je disais au début, qui a été mixé avec une bière. Après ça, il y a eu Birds Art Life, qui a été mixé avec une bouteille de vin. Il avait sorti une grosse explication, je ne pourrais pas vous la dire, mais entre autres, il y avait un clin d'œil qui était drôle parce que sur la bouteille de vin qui a été choisie, qui était du Vinas Velas, je m'excuserai pour ma prononciation, c'était il y avait un oiseau dessus. Donc, il y avait vraiment le lien entre les deux. C'est-à-dire, il y avait un lien, il y avait un oiseau, puis ça, il y avait comme la nature dans le livre, dans l'histoire, et aussi sur la bouteille. C'est que c'est intéressant. Et si je ne me trompe pas, c'était un vin agrobiologique. D'accord. Donc, c'est sûr que c'est intéressant aussi. Il y avait Is World Life aussi qui a été mixé avec un chardonnay. Un chardonnay qui serait de l'île du Prince-Édouard. En plus, c'est intéressant. Non, excusez. Je m'excuse, je suis vraiment... On l'a dit tantôt en Radio-Ton. C'est ça. Vraiment désolée. En fait, c'est le comté de Prince-Édouard, mais qui est dans le coin plus de Niagara Falls. C'est d'accord, ça. Oui, c'est je me disais, on ne connaissait pas, donc... Non, c'est sinon, ça, c'est ce ça. En me lisant, là, je me suis dit, non, c'est pas ça. Ça marche donc, pas. Non, c'est ça, c'est que c'est dans le coin de plus Niagara Falls. C'est que c'est intéressant aussi d'avoir un chardonnay qui vient de là. Et comme je disais tantôt, le livre de Sylvain Neuvel, il a été mixé avec un vin rouge, un vin du Portugal. D'accord, donc on voyageait aussi à travers les vins qui étaient présentés. Ah oui, oui, absolument. C'est ça, lui s'est vraiment beaucoup amusé, le sommelier, à nous choisir justement des vins quand même assez flyés. Puis ça, au niveau des bouchées, la dernière bouchée qu'on a eue justement pour Sylvain Neuvel, c'était un tartare de bœuf qui était vraiment super bon. Vraiment, là, très bon. C'est que ça, c'était très réussi. La tartelette, j'ai vraiment aimé ça aussi. Sinon, on a eu aussi un craquelin au sarrasin avec du chèvre et de l'argousier. Donc ça, c'est intéressant aussi. Sympa comme accord. C'est vrai, chèvre et argousier, j'y aurais pas nécessairement pensé. Oui, c'est ça, c'était vraiment intéressant. Puis sinon, il y avait un autre truc que moi, j'ai pas goûté. C'était la rillette de maquereau moutarde et citron. Donc, parce que tu manges pas de poisson, exactement. C'est ça? Voilà. C'est que c'est pas parce que je voulais pas, je peux pas. D'accord. Il y a d'ailleurs quelques photos de la soirée hein, sur la page Facebook du Maureen Center. Si vous voulez voir un petit peu l'ambiance, ça se tenait dans la salle de bal du Maureen Center. Donc, très, très beau cadre aussi, convivial, ambiance 5 à 7. Peut-être pour vous donner donc quelques repères, effectivement, sur les auteurs et les livres qu'on a cités. Lost in September, c'est Kathleen Winter. Et pour Birds Art Life, c'est Kyo McClure qui était présente. Ils étaient tous là, les auteurs. Oui, les quatre auteurs étaient là dans la salle. Donc, après chacune des présentations des livres, des accords, ben nous, on avait la chance de boire, manger et parler. Puis après ça, dans le fond, l'auteur venait nous dire deux, trois mots juste sur son impression par rapport à l'accord. C'est que vraiment juste quelques mots un peu comme ça, à chaud. Puis oui, puisqu'il ne le savait pas, comme tu le disais. C'est ça, il ne savait pas. Puis même, comme j'ai dit tantôt, Sylvain Neuvel ne savait même pas qu'il pourrait voir son nouveau tome qui n'est même pas encore paru en personne. Parce que ça, c'est quelque chose que des fois, les gens ne savent pas, mais ça prend quand même du temps faire un livre. Puis ça, c'est pas rare que comme là, celle-là, il va sortir en mai, c'est normal qu'il ne l'ait pas encore vu. Mais des fois, il y a des livres que les auteurs n'ont même pas encore vus, mais qui sont déjà sortis ou sont sur le bord de sortir. Puis l'auteur n'a même pas encore vu son propre livre, qu'est-ce qu'il y a de l'air. T'sais, ça fait, mettons, 2 ans que tu travailles dessus, mais tu n'as même pas vu physiquement. À quoi il ressemble, c'est ouais. Ça. Concrètement, là, vraiment en personne, rencontrer ton livre, puis sentir le toucher. Fait que là, c'est sûr que c'est quand même un moment quand même assez émotif aussi. Mais c'est sûr. Entre l'impression et le moment où on le met en vente, effectivement, il y a tellement d'intermédiaires que je pense que c'est aussi pour ça que ça prend du temps avant que l'auteur voit son livre. Donc, c'était le festival Imagination ou Imagination qui s'est déroulé. Je ne sais plus comment le dire à force. Ah, du 3 au 8 avril, il n'y a aucun problème. Au Maureen Center, ça sera de retour l'année prochaine. Je pense à un beau succès avec ce festival d'écrivains, puis plusieurs activités littéraires effectivement qui sont mêlées à la gastronomie. Il y avait également un atelier en cuisine avec David Wolfman et puis une activité bouquin et brunch dimanche matin. Donc, je pense que c'est sûr, ça attire un public qui irait peut-être pas nécessairement écouter parler de livres pendant une heure ou deux. Et puis bon, on les attire autrement. Mais c'est vraiment, c'est varié comme activité. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler. Puis ça me gêne tout le temps, tu sais, vu que c'est quand même mon domaine, le livre. Puis ça me gêne. Il se passe tellement de choses. Mais il se passe tellement de choses. C'est ça. Par exemple, je suis contente parce que ça me fait découvrir des nouvelles affaires. C'était quand même la 9e édition cette année. C'est que l'année prochaine, ça va être la 10e. Je sais pas s'ils vont faire des choses spéciales pour ça. Ça à surveiller. Que ça soit un peu plus gros. Ben, peut-être, mais ça, moi, l'année prochaine, je vais vraiment surveiller ça. Je suis contente d'être allée. Comme je disais tantôt, c'est sûr, j'aurais aimé ça, entendre des extraits. Mm-hmm. Mais en même temps, ça a assez attisé ma curiosité pour que j'aie envie de lire ces livres-là éventuellement. Et peut-être vous remettre une fiche aussi aux participants où on rappelle les accords, oui, les ça, vins. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que ça, en effet, il a fallu quand même que je me casse un peu le coco pour me souvenir c'était quoi, en effet, les accords. Puis c'est pas le but que les gens prennent des notes pendant cette activité. Non, pas du tout. Parce que, dans le fond, pour quand même que les gens comprennent un peu, on est debout. C'est vraiment une formule un peu plus 5 à 7. C'est qu'on est debout. Déjà, d'avoir une coupe dans une main puis d'avoir une bouchée dans l'autre, c'est déjà difficile en soi d'avoir les deux mains occupées comme ça. C'est que c'est sûr que se prendre des notes, c'est pas vraiment possible. Mais oui, ça attise la curiosité. Ça donne envie de découvrir parce que c'est une belle façon, ça, de découvrir des auteurs qu'on connaît pas nécessairement. Alors, c'est notre suggestion pour l'année prochaine. Oui. On va retenir ça. Julie Collin, merci beaucoup. Et merci, Jessica. Salon du livre qui s'en vient, d'ailleurs, Salon international du livre de Québec. On aura peut-être l'occasion de se reparler à ce moment-là, j'espère. Oui, on va se reparler. Tu vas aménager ton horaire pour nous? Je vais essayer de faire ça, mais ça, dès mercredi, moi, je vais être là tous les jours, du matin au soir, puis... enfin, si je peux me permettre de donner un bon conseil juste pour commencer, là, allez-y le mercredi soir. Si vous êtes capable d'aller faire un tour le mercredi soir, là, c'est plus tranquille. Ça permet vraiment de bouquiner, de se promener, d'avoir du plaisir. Parce que des fois, le samedi, avec tout le monde, c'est plaisant aussi, mais c'est plaisant différent. T'sais. Si on veut vraiment en profiter, puis... Rencontrer les auteurs de près pour ceux qui sont déjà là mercredi soir. Oui, mais il y en a qui vont être là mercredi, ça, c'est sûr. Je suis en train d'établir la liste, justement. Je vais pouvoir vous dire ça probablement mercredi. Parce qu'il y en a des auteurs, en effet, qui sont déjà là mercredi. Sinon, il y a les éditeurs qui sont là, les livres. Ça, c'est beaucoup plus aéré pour se promener, pour en profiter, pour aussi prendre ses repères. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, j'aimerais ça rencontrer tel auteur samedi quand il va être là en signature. » Mais c'est où, physiquement? Bien, aller faire du repérage avant. Fait que moi, c'est mon truc de pro d'y aller le mercredi. Eh bien, on va suivre le conseil alors, et je rappelle que CKRL sort d'un radioton, mais sera aussi tous les jours, oui, comme on le fait à chaque année, au Salon international du livre de Québec. C'est Barbel Rink qui va animer le tout sur l'heure du midi, si je ne me trompe pas. Vous allez avoir les infos. C'est de midi à 13h30. Merci. Oui, ben, je suis au bouquet d'abord aussi. Hein. Je suis partout. Donc, c'est de midi à 1h30, à 13h30, à partir de mercredi jusqu'à dimanche. Et vous pouvez venir l'écouter sur place si vous êtes par là. Dans le fond, c'est à l'entrée, oui, si on veut. Là. Juste avant de s'engager. Dans le salon. Là, ouais. Mais c'est ça, c'est que, dans le fond, vous pouvez venir écouter l'émission si vous voulez. C'est en direct, il y a plein d'auteurs. Il y a vraiment une belle brochette d'auteurs. Puis à tous les matins, sur la page Facebook des bouquins d'abord, c'est annoncé la programmation de l'émission finalement en cours. Donc, c'est ça. Je pense que ça, à 7h le matin, ça va être annoncé. Puis moi, ben, je vais en parler aussi le matin. Ah oui? Oui. Vraiment, c'est carré? Oui, c'est au matin des éphémères. Ben oui. Eh bien, c'est très bien. Alors, ouais, plein de rendez-vous de lecture dans ces prochains jours. Oui, profitez-en bien du Salon du livre, sérieusement. C'est un grand événement. On est chanceux d'avoir ça. Et Julie qui vous en parle déjà sur julielioli.com. Absolument. Également, son blog, on va le rappeler. Merci encore.